Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! Nous sommes le deuxième jour de la deuxième lune de Sanguine de l'an 1131. L'orage qui gronde s'annonce électrique. La chaleur devient la limite du soutenable, et le vent, quant à lui, souffle au point de faire trembler les plus fragiles structures de fer. C'est dans cette atmosphère que vous vous retrouvez dans le salon ce matin. Vous avez eu la veille, via un message, l'annonce du passage de Madame Ford. Le contact de Kornilov. Elle a peut-être enfin trouvé réponse à vos questions. Cependant, c'est avec une force terrifiante que le heurtoir frappe à votre porte de métal. Un son percutant, sec, qui ne semble pas être l'annonce d'une simple visite. Vous vous mettez d'accord d'un regard sur la personne qui va se charger d'ouvrir, et Kornilov est très rapidement désigné, juste le temps que le troisième coup s'abat sur votre porte. Kornilov, tu te lèves, et le temps d'atteindre la porte, le reste d'entre vous, vous avez le temps pour remettre vos pensées en ordre sur ces derniers jours, sur les pistes et les impasses que vous avez explorées. Kornilov, tu arrives à la porte, et alors qu'un quatrième coup retentit, tu l'ouvres. Tu révèles un visage non pas féminin, un visage masculin, très fermé, qui était très familier, celui de Canio Landini, à peine perturbé par la tempête à l'extérieur. Tu vois qu'il rentre sans même te demander permission. Et s'essuie à peine, comme si, encore une fois, la tempête ne lui faisait que peu d'effet. Il retire son manteau et va retrouver le QG en entier. Vous voyez débarquer, du coup, au début de cet étage, n'importe quoi, excusez-moi. Au milieu de votre deuxième étage, Canio Landini, un visage très grave, très fermé. Il vous salue à peine de la tête lorsque vous l'apercevez, et lorsqu'il vous aperçoit. Oula. Attends, lorsqu'il vous aperçoit, plutôt, je pense. Et il s'assoit, il prend une chaise et s'assoit à votre table, toujours... dans une nonchalance, sans demander permission, sans forcément de politesse. Kornilov, tu le suis de près et tu t'installes aussi à la table, proche de tes amis. Vous le voyez prendre un petit temps de réflexion. Est-ce que vous en profitez pour placer les premiers mots de cette conversation ou non? Ou vous les laissez commencer? Bon, on s'exprime pas, hein. De toute manière, on le connaît, le monsieur. Il veut juste parler et après il partira. Monsieur Landini, pouvons-nous vous proposer quelconque rafraîchissement ou une chaise peut-être? Tu vois qu'il a un petit sourire qui se dresse sur son visage et il répond non, je suis pas venu pour me rafraîchir. Voyez-vous, j'ai bien peur que malgré tous vos efforts, vous ne soyez pas assez efficace. Beaucoup de mes supérieurs redoutent une nouvelle action di procedimento. Et vous connaissez déjà la fin de ma phrase. Excusez-moi, j'ai tapé le micro. Vous connaissez déjà la fin de ma phrase. Je vous demanderai de l'arrêter toujours au plus vite. Nous y travaillons. Ça, ils en sûrent. Disons que... même sans trop nous avancer, il semblerait que certaines pistes soient exploitables, mais il faut y aller prudemment, car si nous faisons n'importe quoi, il est fort probable que nous puissions se retrouver devant une voie de garage. Et puis, vous savez, les gens ont pas mal de difficultés à parler et les informations ne sont pas aussi faciles que ça à trouver. Je t'ai juste signalé notre travail de renseignement et de fichage sur les mouvements extrémistes et subversifs, notamment dans le quartier de l'Arbre. Monsieur, nous n'avons pas chômé, si je puis dire, et je pense que toutes les informations que nous avons glanées sont là de premier ordre. Même si, sûr, elles n'ont pas mis une prédicimento sur les barreaux, ils ne sauraient courir. Oui, oui, je suis au courant de ça. Et toutes mes félicitations. Cependant, si je suis venu vous voir, c'est que je pense que nous avons besoin de parler. Voyez-vous, j'ai appris pour le poème de La Veridici. Je sais que vous travaillez dessus et j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Pour l'instant, je pense que ce n'est qu'une gêne occasionnelle, mais comment pouvez-vous expliquer le fait que La Veridici, comment peut-il être au courant pour Fotus, une affaire qui touche Il Procedimento, qui est notre affaire la plus secrète au sein même de notre ministère? Vous avez une réponse à me fournir? Eh bien, quelques pistes s'offrent à nous, peut-être. Les deux malotrus sont de convenance, qui sait. Après tout, lors de la dernière fois, lors de notre dernière altercation avec Il Procedimento, nous avons été soumis à de la pyrotechnie, des hallucinations, que sais-je, tout ceci est peut-être pas l'œuvre d'un seul et unique homme. Ce serait bien difficile d'être présent à deux fois à deux endroits en même temps. Maintenant, nous n'avons aucune preuve pour étayer tous ces dires, mais en tout cas, s'il y a une fuite, soyez-en sûr, elle ne vient pas de notre côté. Non. Ça me rassure, ça me rassure. Je suis content de voir que au moins vous avez penché sur la question et j'espère que vous m'apporterez rapidement réponse. Et où en êtes-vous par rapport à toutes vos autres affaires et notamment Il Procedimento? Kornilov, voudrais-tu un peu expliquer où nous en sommes? Je sais que tu tiens des rapports assez précis de tout ce qui se passe. Eh bien, nous sommes actuellement en train de faire une... En tout cas, nous espérons en train de faire une percée dans ce qui est de l'affaire Maria Zinetti. Justement, il semblerait que nous ayons fait des liens avec d'autres possibles affaires assez semblables, qui sont maintenant oubliées. Et nous sommes en train de travailler justement à mettre un point final à ce dossier, et donc à pouvoir nous concentrer pleinement pour ce qui est de la suite, pour sur Il Procedimento. Cela ne saurait tarder. J'en suis ravi. S'il existe un peu plus de ressemblance de lien entre votre affaire. Oui, voilà. Entre votre affaire et celle de la malheureuse Baletti, faites de votre mieux pour comprendre jusqu'à où ça va et si cela va jusqu'à nos craintes. c'est-à-dire qu'il existe un lien entre tout ça et il procedimento. Je compte sur vous pour être sans pitié. Peu importe que des années soient passées, si une personne devrait se retrouver jetée dans les crimes pour le meurtre, pour, je ne sais pas, avoir gardé quelques informations secrètes il y a des années de ça, ou quoi que ce soit dans le genre, j'espère que vous savez tout à fait que votre mission vous en donne le droit. Tout à fait, évidemment. Bien, bien. Vous voyez qu'il se lève et commence à se diriger vers les escaliers. Il s'arrête au bout d'une ou deux marches et se retourne vers vous. Écoutez, faites de votre mieux. On doit arrêter ce taré au plus vite possible. Et si vous y arrivez, peut-être alors j'envisagerai réellement de vous faire confiance. Je ne peux pas perdre plus de temps que j'en ai déjà perdu, donc je compte sur vous pour faire les bons choix et penser à votre avenir et à ceux de vos proches. Et à ses mots, il se retourne. Okay. En ignorant totalement les premières phrases de Victor, c'est-à-dire que tu peux commencer à parler, mais tu remarques en fait au bout de ta phrase qu'il est déjà en train de se diriger vers la porte. Et, tu es un bel... Et même si tu dis ça, il se retournera pas. Puisqu'il va vraiment vers la porte et vous entendez la porte claquer quelques secondes après ne plus l'apercevoir dans les escaliers. Après vous ne l'apercevez plus dans les escaliers. Bref, désolé. Oui. Pas tous les quatre. Décidément, ce cagnot sera toujours aussi insupportable. Ouais. Oui, mais vous verrez. Un jour, à nous, à sa place. Ouais, enfin bon, j'espère que si un jour je suis à sa place, je serai pas aussi con. Enfin, un peu de pragmatisme. Non, mais je pense que... Je le pense vraiment. Tu es bien d'accord que nous faisons le maximum possible pour débusquer, pour trouver ce il procedimento, que nous sommes investis à plus de 200% dans cette affaire, et il ne montre aucun égard et aucun respect par rapport à notre travail et à nos personnes. Donc oui, je confirme, c'est un con. Et alors, c'est comme ça que fonctionne la société. Si jamais les jeunes d'en bas, les gens d'en bas, ne donnent pas complètement à corps et âme afin que cette société fonctionne. Enfin, je veux dire, comment les gens d'en haut, qui sont les gens véritablement importants, pourraient faire tourner cette société? C'est ton avis. Vous seriez dans cette position, vous en feriez non. De mais c'est ton avis. Ah, c'est votre côté identitaire. Peut-être. Enfin, revenons à nos affaires, parce que sinon le cagnot, il va encore nous sauter à la gorge. Est-ce que de ton côté, Kornilov, tu as réussi à trouver des informations supplémentaires ou trouver ce que tu voulais Eh bien, je suis sur une piste vis-à-vis de savoir si nous sommes face à des fausses morts, peut-être, ce genre de choses, mais je n'ai pas encore pu rencontrer mon contact qui n'était pas présent sur les lieux dont on m'a parlé jusqu'à présent. Mmh. Et tu as... C'est en cours. Tu l'attends aujourd'hui même? Ce contact est censé nous rejoindre aujourd'hui? Il n'y a pas vraiment de date, c'est juste à me pointer au bon endroit au moment où elle sera là. D'accord. Ben, espérons que ça se fera assez rapidement. De notre côté, avec Esther, nous avons réussi à trouver l'adresse de la maison de cuivre où se trouve du coup le majordome qui était avec Madame Baletti. A priori, je pense que c'est une bonne piste et qu'il serait tout à fait intéressant d'aller le voir pour faire un peu avancer notre enquête. Ça ne coûte rien d'y aller, en tout cas. Mm. Donc, on a aller voir chez les deux cuivres, on a moi suivre ma piste si quelqu'un veut m'accompagner, et nous avons aussi donc eu ce message qui est celle de Madame Ford, donc un autre de mes contacts. Oui. Qu'il faut qu'a priori aussi on aille la rencontrer, si j'ai bien lu cette plaque. C'est pas une plaque, c'est un messager, et il avait dit que c'est elle qui vient vous voir tôt cette matinée. Donc il faut qu'on ait quelqu'un qui reste sur place pour l'attendre. Moi ça me dérange pas. Comme ça, je ferai un tour avec à peu près tous parmi vous. Sinon, après, on peut tout à fait attendre ici, si elle passe dans la matinée, et l'après-midi, aller voir la maison de cuivre tous ensemble. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir plusieurs avis et peut-être des questions, un point de vue différent. Ouais. Ça peut se faire. Et puis ça nous permettrait peut-être un peu de nous reposer ce matin en attendant qu'elle arrive. Je pense qu'on fait que courir depuis plusieurs jours. Un peu de repos serait plutôt le bienvenu. En plus, avec cette tempête, je pense que... Ouais. Est-ce que quelqu'un veut boire quelque chose? Je vais préparer de quoi pour tout le monde. Une absinthe. Ouais, je prendrai la même chose. Oui. D'ailleurs, je vous préviens tous, il n'y aura malheureusement pas de repas vis-à-vis des radis de Lens, parce qu'il semblerait que, vu les dates, les jours qui sont passés, il semblerait qu'ils aient tourné, donc j'ai dû m'en débarrasser. Oh, mais c'est trop dommage. Mais pourtant, les radis étaient quand même connus pour être... des aliments qui résistent bien avec le temps, mais écoute, ma foi... Ça doit être les fuites, peut-être avec l'orage, une humidité acide en plus dans l'air, je sais pas. Quelque chose. Wow, c'est fort dommage. L'humidité, ça, c'est... C'est fort dommage. Je ne suis pas spécialiste en botanique ou en quoi que ce soit. Menteur. Ils sortent le flingue. Qu'est-ce que t'en as fait? Parle. Ok, bon, enfin, en tout cas, je vais vous préparer ça. Esther, tu m'as pas dit ce que tu voulais. Ce que je voulais faire. Boire. Tu vois, désolé si ça s'est pas entendu. Oh, un petit absinthe alors. Ok, ça marche. Bah, je vous amène ça tout de suite. Oui, Victor, tu t'affaires. Je sais pas si comment est-ce qu'on juge ce verbe. Mais à la préparation de l'absinthe. Oui. Voilà, la préparation de l'absinthe. Voilà, merci. Passons à autre chose pour tout le monde. Et effectivement, c'est plutôt une bonne idée quand même de prendre un peu de temps pour vous reposer. Hein. Ça fait toujours quand même du bien au moral de se dire bon, on va souffler quand même 5 minutes avant de continuer les affaires oppressantes où on a une info sur les 15 000 qui existent. Et vous avez devant vous en réalité une toute petite demi-heure avant que Madame Ford se présente. Vous allez en profiter du coup pour boire, pour vous reposer, pour discuter encore un peu plus entre vous, peut-être sur des visions du monde vis-à-vis de la position hiérarchique de Cagno, quoi qu'il en soit. Au bout d'une demi-heure, sauf si quelqu'un me dit maintenant qu'il a envie de quelque chose de très précis, Madame Ford se présente à vous, tout simplement en toquant à la porte. L'un d'entre vous va lui ouvrir et, une fois accueilli dans le QG à l'étage inférieur, celui qui sert à accueillir les invités, elle va pouvoir vous parler. Voilà, vous voyez, tout simplement vous saluer pour commencer. Bonjour, j'espère que je n'ai pas trop tardé. Il faut dire que le tenancier de l'auberge prenait un peu plus de temps que ce que j'aurais voulu. Il n'y a pas de souci. J'en suis ravi. Voyez-vous, la dernière fois, lorsque nous nous sommes rencontrés, vous m'avez posé des questions à propos de ce masque, et j'ai donc enquêté dessus. Je me suis mis à chercher toute trace d'archives qui pourrait comporter un masque qui y ressemble, mais aussi auprès de un travail de mémoire, auprès de mes collègues qui travaillent depuis très longtemps dans le milieu du théâtre. Et J'ai le bonheur de vous annoncer du coup que nous avons une pièce qui est à l'origine de ce masque. Cette pièce, il s'agit de les rayons et les ombres, qui est une pièce antique. Réellement, elle date des fondations même de nos civilisations actuelles. Je ne parle pas de l'antécrime, mais tout simplement, elle a été fondée au tout début du Moyen-Crime, lorsque les traverses se joignaient à peine. Et c'est une des très rares œuvres qui ont existé à cette époque-là, et notamment lors de qui existait avant la création de Venise, et qui on ne sait pas réellement dater. Mais on sait qu'elle a énormément survécu à Venise une fois que la jonction s'est vraiment rejoint. Enfin, les jonctions enfin, ont donné naissance à Venise, parce que vous savez que Venise n'est qu'un rassemblement des jonctions d'autres traverses. Et à partir de là, petit à petit, au fur et à mesure que nous sommes arrivés dans l'ère moderne, bah, nous avons un peu mis de côté cette pièce qui comment dire, commençait à être désuet. Malgré tout, c'est une pièce qui inspire encore énormément les auteurs de nos jours, surtout vénitiens. Il y a une entité très forte à Venise dans cette pièce. Alors, ce qui est toujours très drôle quand on sait qu'elle n'est pas vénitienne, hein, comme je vous l'expliquais un peu plus tôt. Mais il y a aujourd'hui à Venise une espèce de reconnaissance de cette pièce, mais ce n'est pas non plus la plus populaire. Hein. C'est-à-dire que je pense que si vous en parlez autour de vous, la moyenne des gens ne saurait se souvenir de cette pièce. Cependant, les plus cultivés, les plus attachés à la culture vénitienne pourraient facilement vous sortir quelques détails, notamment son histoire, plus que ses costumes, parce que comme vous pouvez le voir, les costumes sont, malgré la bonne qualité, plutôt, ils ne sont pas non plus étonnants. Malgré tout, l'histoire, elle, c'est ce qui inspire le plus, que les rayons et les ombres est un propos sur l'importance de l'art et surtout sur comment dire, la différence entre le fait d'être, j'ai oublié le terme, excusez-moi, ça va me revenir, le fait de ne pas savoir des choses, mais c'est pas un culte, c'est un autre terme, bref, le fait d'être, oui, ignorant, voilà, merci beaucoup. Entre le fait d'être ignorant et le fait du savoir que peut apporter l'artiste, sachant que tout ça est amené dans une pièce mêlant politique, etc., ou seigneurs traversiers vont cacher moult informations au peuple, et on suit comme ça un artiste qui va révéler la vérité au fur et à mesure de ses œuvres. C'est plus ou moins l'histoire principale de Les Rayons et les Ombres, et c'est très repris encore aujourd'hui dans des pièces. Oui. Disons que j'ai l'impression d'avoir de cette pièce, la façon dont vous expliquez un petit peu le sens de cette pièce, voir des similitudes par rapport à ce qui se passe vraiment aujourd'hui, dans le sens où peut-être certains verraient attention la... tout de même. À ce qu'on parle, Madame Ford est une civile, même si j'apprécie sa compagnie. Oui, non, je sais, mais je sais que certaines personnes de par notre ville font des reproches, alors, qui sont somme toute pas fondées, mais des reproches à nos gouvernants et prônent des choses plus ou moins songées, mais ils le font quand même. Donc peut-être que certains voudraient réutiliser ceci, et notamment des gens méchants, si je puis le dire. Oui. Non, voilà, ça c'est assez troublant, c'est vrai. je ne saurais dire. Vous savez, ça me fait penser que aujourd'hui, ceux qui critiquent finalement le plus le système artistocratique de Venise sont les artistes eux-mêmes. Alors, rarement directement dans leur discours, mais souvent dans leurs œuvres. Enfin, souvent. Mmh. Il existe une branche, évidemment, ce n'est pas le cas de tous les artistes, mais on peut trouver ci et là, et c'est finalement pas si rare qu'on trouve dans des œuvres de la critique de l'artistocratie, alors que eux-mêmes y adhèrent, c'est complètement c'est pas si étonnant. Souvent dans l'art, on retrouve des idées, des fois, j'ai envie de dire provocatrices, parce qu'elles réunissent les foules, parce que ça fait un ennemi commun, mais malgré tout, c'est pas pour autant qu'on y adhère totalement. Mmh. Sont là des gens sots. Ah. Et donc, excusez-moi, mais donc ce masque ferait partie donc d'une tenue utilisée pour l'un des personnages donc dans cette pièce. Tout à fait. Vous n'êtes pas au hasard l'artiste. Sans savoir. Le justice. Alors ce n'est pas. L'artiste, il faut remettre un peu au contexte que au Moyen-Crime, énormément de pièces étaient masquées. On voyait très rarement un acteur sans masque lors du Moyen-Crime. Et ce personnage-là qui portait ce masque, on avons mis énormément de temps à retrouver de qui il s'agissait. Tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'un des personnages principaux, il s'agit d'une apparition divine en fait à la fin du dernier acte. Et voilà, c'est tout simplement un être divin, alors qui n'est pas attaché à une religion particulière ou alors une religion qu'on ne connaît pas du Moyen-Crime, mais c'est un personnage divin dans cette histoire-là. Il n'y a pas d'autre rapport. C'est donc un Deus Ex Machina. Voyez-vous, je suis moi-même dramaturge, je connais très bien ce procédé scénaristique. Ah, eh bien, ma foi, j'avoue ne plus connaître tout ce qui touche vraiment aux tenues que les procédés narratifs, mais je suis ravi de l'apprendre. Vous aviez une question, madame ? Oui, je demandais qu'incarnait la divinité lors de la pièce. Comme dit, elle servait de jugement, de souvenir, parce que réellement, ça fait très longtemps et nous n'avons pas forcément d'écrit, hein, ça serait trop coûteux, et sachant que c'est une pièce qui ne se perd jamais réellement, mais il me semble qu'elle servait surtout à adouber l'artiste à la fin de son rêve, puisqu'il se fait punir pour ce qu'il révèle dans ses œuvres, et juste avant sa mort, sa divinité apparaît et il lui indique qu'il a fait la bonne décision. Il me semble que c'est de cela qu'il s'agit. Très bien. Est-ce que vous savez si des gens la jouent encore de temps en temps ? Je serais curieux d'aller la voir. Comme dit, ça m'étonnerait aujourd'hui, c'est un peu perdu. On la retrouve surtout en inspiration. Mais c'est pour ça que j'ai eu autant de difficultés, mes collègues aussi, à retrouver exactement d'où venait ce masque. Parce que aujourd'hui, on ne la joue plus telle qu'elle. C'est-à-dire que déjà, elle est dans son écriture très ancienne, elle a un rythme très particulier. Et puis, par exemple, certaines choses aujourd'hui ne font plus sens, notamment l'apparition divine. Ce n'est pas vraiment le genre de choses auxquelles sont habitués les gens aujourd'hui. Donc non, elle est plus tant jouée que ça. Comme dit, je me souviens un vieux souvenir quand j'étais enfant, mais encore une fois, ça devait peut-être même être une pièce dérivée de celle-ci. Par contre, elle est encore une fois énormément là en inspiration pour d'autres œuvres. Mmh. Merci. Mais avec plaisir, si je peux toujours aider notre cher ministère. C'est avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions, vous autres ? Quelles sont les autres composantes du costume, si vous les connaissez, donc de cette apparition divine, de ce Deus Ex Machina ? Tout à fait. Il s'agit d'une grande robe qui est ornée de de plein de motifs dorés. Et concrètement, elle sert surtout à masquer le corps. Elle sert surtout à donner à cette divinité une forme moins humaine que ce qu'elle est réellement. Mmh. Ça fait sens. Pour ma part, je pense que vous avez largement répondu à mes interrogations. Eh bien, j'en suis ravi. Ça a été très compliqué. Je suis désolé d'être venu aussi tard. Cela fait un bien moment que vous êtes venu me voir, mais je pense que cela valait le coup vu la précision des informations que j'ai réussi à réunir. Effectivement. Dernière question. Tout à fait. Et je pense à tout. Quels sont les autres rôles majeurs, si vous en avez connaissance, bien sûr, dans cette pièce? Tout à fait. Au niveau rôle majeur, nous avons bien évidemment l'artiste, je pense que vous l'aurez deviné, hein, qui est très important. Nous avons aussi une jeune femme qui représente l'amour de cet artiste et qui est... le pont, disons-nous, entre le monde de l'art et le monde politique. Et cette jeune femme, dont j'ai oublié malheureusement le nom, tout comme le nom de l'artiste, je suis désolé, impossible de retrouver l'information des noms de personnages, mais en tout cas, c'est le deuxième personnage le plus important, et bien entendu, le père de cette femme, qui est du coup le roi dirigeant, le seigneur traversier, puisqu'il n'est pas annoncé en tant que seigneur traversier, en tout cas selon l'un de mes collègues, qui se souvenait un peu plus que moi, parce que pour éviter une accusation trop frontale, on passait par un autre système, avec d'autres noms, et voilà. Et ce sont les trois personnages vraiment principaux, puisque l'un est vraiment politique, l'autre est artiste, et la femme représente le pont entre les deux, ce qui va permettre du coup à l'artiste d'apprendre un certain secret. Eh bien, je pense que cela sera tout, personnellement. Kornilov, vous n'avez plus de questions ? Non, je pense pas en avoir d'autres. Bien, dans ce cas-là, je pense que nous allons vous permettre de disposer. Néanmoins, nous vous signalons que si à la moindre information que vous apprenez très lié de près ou de loin à tout ceci, n'hésitez pas à venir nous voir personnellement. Là est très important. Eh bien, ma foi, c'est tout à fait compréhensible et je n'y manquerai pas. À ces mots, du coup, elle tourne talon, vous salue tout à fait respectueusement. Je raccompagne à la porte. Elle est raccompagnée et s'en va. Salut la vieille. Voilà donc. Enfin, libérés de votre attente, vous êtes tous les quatre. Je vous laisse discuter son avis, puis décider ce que vous faites. Surtout, je crois qu'on doit lever. Je dois vous dire que cette pièce est pour moi totalement collée montée. Bah, justement, je vous avez su, me faire, réaliser que j'allais parler de quelque chose que je n'aurais pas dû parler en sa présence, mais le scénario, l'histoire même de cette pièce me saute aux yeux. Enfin, du moins, il y a énormément de similitudes avec ce que nous vivons un petit peu. Pour moi, je fais un peu des parallèles. Alors, peut-être sont-ils très très rapides, mais quand je vois cet artiste qui essaie de dire la vérité sur les mensonges de nos dirigeants, enfin des dirigeants, des seigneurs. Je fais un peu le rapprochement, alors, à tort ou à raison, avec peut-être la Verilici, qui essaie de... et qui en a le nom, et qui est un artiste, de surcroît. Également, le fait que cette femme qui est le pont entre l'artiste et la politique, qui me fait énormément penser à Elena Valetti, qui disparaît, et peut-être ce Il Procedimento qui peut-être serait encore qui serait peut-être plus lié qu'on ne le pense à Elena Valetti. Voilà, c'est un peu des raccourcis peut-être grossiers, mais ça pourrait expliquer le masque di Procedimento et Nimbaletti et pourquoi ces deux choses sont liées. Et ce Verilici qui sort des informations qu'il ne devrait normalement pas avoir. Eh bien oui, monsieur Conti, je trouve très clairement que tout ce que vous dites est grossier, enfin. Il s'agirait de vous calmer, et ce n'est pas parce qu'une personne est née dans le pourpre qu'elle est automatiquement corrompue ou que sais-je. Nous parlons là d'une des plus grandes doges que notre ville ait connue, et je vous prierai de la mentionner avec un peu plus de respect, enfin. Moi, je ne dis pas qu'elle est coupable, attention. Je dis simplement que elle avait accès à des secrets, à des choses que nous ne saurons jamais, ou du moins pas pour l'instant, et que peut-être elle put avoir des accointances avec des personnes qui, aujourd'hui, créent le trouble dans la ville de Venise. Et d'où le fait qu'elle ait disparu dans des circonstances assez mystérieuses, alors que, de la même manière, Azinati, elle aussi, a disparu, alors que on a, selon toute vraisemblance, on peut croire qu'elle n'était pas malade et que cette maladie n'était que peut-être certes imaginaire. Du moins, l'a-t-on fait penser. Personnellement, je trouve que la théorie de notre ami Victor tient la route. En tout cas, il y a clairement un lien entre les deux, mais non, c'est évident. Et il faudra clairement en apprendre le plus possible sur cette pièce pour tenter de résoudre les petits indices et les petites énigmes que nous pose Il Procedimento. C'est bien possible. J'en fais l'affaire. Mais je ne pense pas non plus que ce soit la priorité actuellement. Mm. À vous de me dire ce que vous en pensez. De toute manière... Ça fait le lien avec Valetti, donc c'est celle, l'affaire sur laquelle nous sommes pour le moment. Oui. Oui. Eh bien, pour vous dire mes intentions, tout d'abord, je pensais envoyer un messager pour retrouver les anciens, encore une fois, du petit théâtre rouge et les interroger sur quelle pièce jouait-ils. Parce que je ne pense qu'ils ne méritent pas que nous nous attardions encore sur eux. Nous avons bien trop consacré de temps à ces personnes, même si du coup, Madame Azinetti est liée à tout ceci. Mais je pense que nous, il serait intéressant de savoir quelle pièce jouait-il avant la mort de Photius. Ensuite, je pense que je vais aller voir peut-être, ou si quelqu'un veut bien s'en occuper, Monsieur Bonnet. Stupiditus. Je sors, j'ouvre la porte du QG et j'essaye de voir si Ford n'est pas encore parti entièrement. Ford a déjà traversé les étages, donc elle est au rez-de-chaussée, elle est en train de quitter le lieu. Si tu l'appelles, elle pourrait t'entendre, mais avec le vent, etc., la tempête, enfin, faut que tu te dépêches, quoi. Ouais, faut que tu cours. C'est pas la peine. Je rentre à l'intérieur et je dis aux autres on aurait pu lui faire écouter la musique d'Il Procedimento et lui demander si de mémoire cette musique n'était pas utilisée dans cette pièce. Ça aurait été une très très bonne idée. Eh bien, je propose d'aller apprêter un autre messager pour qu'il lui demande d'en revenir un peu vite. Eh bien, moi, je m'apprête à demander à faire un jet pour courir très vite et les rattraper. Ah. Victor est plus vite. C'est ça, Victor, il est moins... Après, c'est comme vous voulez. Si tu veux te dépêcher, aller affronter à ton pète, etc., pour la choper, il n'y a pas de souci. Après, voilà, effectivement, vous êtes métropolite. Voilà, métropolite. J'ai vu ton regard, c'est pas ce que je disais. Enfin. Vous pouvez la reconvoquer ou aller la revoir ultérieurement, c'est comme vous le souhaitez. Il n'y a pas mort d'homme, promis, juré, c'est comme vous voulez. Après, si tu veux courir, cours. Bah, après, si elle est vraiment à côté, surtout si la tempête, elle va pas partir super vite, elle va être comme ça. Genre, voilà. Moi, je suis encore dans un escalier. Avant d'aller... Okay. Voilà. Moi, je vais tenter. Alors, tout ça pour monter ses compétences. Je te vois venir. Pour faire un jet, surtout. Eh bien, Victor... Non, mais je suis contre les jets, c'est fini. donc... non, je rigole. Tu me fais un jet d'athlétisme, s'il te plaît. D'accord. Putain, j'ai tellement pas l'habitude que j'ai oublié de préparer ma fiche. Incroyable, tu vois. Alors, athlétisme... Alors, athlétisme, ça fait 6, 7. Je suis pas très bon en athlétisme. Ouais, c'est pas très, très, très, très ouf, j'ai l'impression. Je re-regarde mon tableau. Bah, c'est 9, souvenir, non, mais... c'est pas 9. Non, je crois que c'est 8. Minimum. Hein. Ouais. C'est 8, c'est 8. Donc, c'est malheureusement. J'aurais tout tenté. C'est vrai que t'es pas très athlétique hein, de base. Bah oui. Bah, j'aurais essayé. Ouais, t'auras essayé. Du coup, tu vas, ouais, tu vas te. J'y vais à mon tour. ça serait hilarant. Il y a tout le groupe finalement qui sort et t'es quand même qui est en mode. Mais. J'avais dit un message. Je prends un vélo. Victor, tu vas te prendre les rafales de vent qui vont te bloquer énormément et en fait le temps que tu descends les étages, eh bien malheureusement Madame Ford qui se déplaçait pas à pied sera déjà montée dans sa chaise porteuse, j'ai oublié le terme exact mais on va dire que c'est ça, et va tout simplement être déjà en chemin et malheureusement c'est un peu plus rapide que toi qui traverses le vent donc tu ne peux que la voir s'éloigner au loin et pester contre toi-même. J'aurais essayé, tant pis. Bon, je remonte, tout penaud, j'ouvre la porte, vous voyez, genre, avec plein de trucs sur moi. Ah, bon, désolé, si on est en train de me taper un peu partout. Bah, j'aurais essayé, mais j'ai pas réussi. Je vous avais dit, courir, c'est bon pour les gendarmes et les policiers. Nous sommes métropolites, enfin. Nous nous déplaçons en vélodrome. Ou en vélo. En vélodrome, qu'est-ce que c'est cette chose, vélodrome. Je ne sais plus. Comment avez-vous baptisé cette invention, Fester? Nous n'avions pas donné de nom car il s'agissait plus d'une amélioration que d'une invention à proprement parler. La bicyclette? Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Mais sinon, oui, on peut appeler ça un vélo. Il me semble qu'on a toujours des vélos. Et tous les ajouts que j'y apportais ne les rendent pas si différents. Mais un jour, ne vous en faites pas, de nombreuses inventions porteront mon nom ou le nom que je leur aurais donné. Mais malheureusement, je ne peux pas trop en parler pour le moment. Enfin bref, en tout cas, c'est clairement des liens. Il y a clairement des liens assez étroits entre tout cela et cette pièce et ce masque et tout ce que nous sommes en train de vivre. Maintenant, si vous voulez bien, je vous propose d'aller voir le majordome chez les deux cuivres et peut-être aurons-nous un peu plus d'informations qui pourraient nous aider par rapport à Elena Valetti. Du moins, si on arrive à le faire parler, bien évidemment. Évidemment. Vous quittez le QG Indigo et vous allez affronter la tempête. Quoi qu'il en soit, vaut mieux l'affronter maintenant qu'une fois que l'orage aura réellement explosé et que la pluie qui s'abattra sur la ville sera sûrement très violente. quoi qu'il en soit, vous prenez vos vélos et vous allez affronter le vent. Jusque... à chez Monsieur de Cuivre. Alors, pour resituer un peu, si mes souvenirs sont bons, là je mets un petit bémol, si un joueur a un meilleur souvenir que moi, mais il me semble que Monsieur de Cuivre habite non loin d'une des portes principales de Venise, qui est... Non, j'ai eu un oui de Victor, c'est-à-dire que c'est bon, mes souvenirs sont bons, je voulais juste être sûr. Et si je me trompe pas, et c'est là où j'ai un doute, il me semble que c'est la porte nord. Mais c'est là où j'ai un doute. C'est probable. C'est probable. Quoi qu'il en soit, il habite plutôt du côté des... Enfin, il habite pas là où il y a les petits îlots, vraiment les trucs de pauvres, mais il est étonnamment pas au centre de la ville, il est pas dans ces quartiers de très haute bourgeoisie. Il est vraiment, pour son cas, à l'écart. Hein. Et il se trouve non loin d'une des portes. On va officialiser maintenant que c'est la porte nord, et si j'ai dit l'inverse, la narration, mais à culpa. Vous allez donc devoir traverser énormément de lieux, énormément de trajets, au point que vous pensez même qu'il est impossible d'atteindre chez lui avant la nuit tombée, et pire, avant l'orage qui tombe. Il semblerait que cet orage va énormément vous ralentir. Alors vous pouvez décider, vous pouvez me le dire maintenant, d'être sous la pluie, mais c'est toujours sanguine, hein, c'est une des teintes les plus violentes et dangereuses sur la toile, hein, puisque c'est énormément de chaleur extrême, des vents qui sont très puissants, et du coup malheureusement des pluies qui sont tout autant puissantes et qui sont en énorme quantité. Le seul avantage, de sanguine, entre guillemets, c'est que comme il pleut énormément, il y a moins d'acide dans les pluies, donc les pluies d'acide sont plutôt rares en sanguine. Mais bon, ça reste, voilà, ça reste un petit avantage vu tout le reste. Du coup, il va falloir malheureusement séquencer votre trajet pour y arriver le plus rapidement possible. Et moi, ma question va être déjà, est-ce que du coup, vous allez au plus rapide, hein, quitte à devoir confronter des éléments dangereux tels que la tempête, l'orage, etc. Ou est-ce que vous allez tout simplement jouer la carte de la sécurité et faire le trajet petit à petit en suivant le conseil et les auberges qui seront sur le chemin et qui vous abritera des gros moments de tempête? On pourrait y aller petit à petit, ça nous permettrait plutôt, potentiellement de faire quelques récaps sur l'enquête en cours. Je pense aussi. Ouais. Il est inutile pour nous de prendre des risques et à la limite il n'y a pas vraiment d'urgence, la vie de ces gens ne sont pas en danger, ils ne vont pas bouger du fait que eux sont aussi dans la tempête, donc je sais pas ce que vous en pensez, Hugo et Cornelov, mais je suis plutôt d'accord avec Esther. Eh bien, même si j'apprécierais d'y arriver rapidement et de nous presser, ce serait dommage en effet qu'on perde entre nous avec un coup de vent. Oui, ce serait plus ça. Alors, je suis d'accord. Très bien. Très bien. Vous êtes donc, si j'ai bien entendu Hugo, vous êtes donc tous d'accord. Eh bien, déjà c'est très bien pour une équipe, je vous félicite, bravo. Et... voilà comment va se passer le trajet. Pour être honnête, sur la durée du trajet, ça va vous prendre un jour et demi pour tout traverser. Je rappelle que les villes sont démesurées dans les crimes, et notamment Venise, qui est vraiment très grande, parce que c'est encore une fois une réunion de plusieurs jonctions. Et si vous avez eu de la chance pour l'instant d'avoir toujours des choses assez proches de votre QG, notamment le centre avec Méandre, la base ville sud où vit Esther et où se trouvait le petit théâtre rouge, etc. Tout n'est pas à côté de vous. Et malheureusement, le nord se trouve éloigné, et donc ça fait partie des trajets plutôt longs pour vous. Donc, il va falloir une bonne journée et demie, d'autant plus que vous choisissez la voie, oui, le choix, enfin le chemin de plutôt calme et surtout sécurisé. Excusez-moi, je rentre. Sécurisé, exactement. Ouais, sécurisé. Merci. Et donc, vous allez faire plusieurs haltes. Comment ça se passe, hein, c'est réellement pour le coup vous arrêtez à une auberge dès que la tempête devient un peu trop pressante, et notamment la première fois que l'orage va tout simplement réellement commencer, que la pluie va s'abattre sur Venise. Et tout simplement il y a des guides hein, qui servent à ça durant ces périodes-là, et surtout pendant Sanguine, qui permettent en fait de donner des chemins et surtout une liste d'auberges qui permettent de facilement traverser la ville sans rester trop longtemps tout simplement sous la tempête. Donc à chaque fois ça se compose par une heure, peut-être 2 heures de devoir se reposer, puis lorsque la tempête se calme, beaucoup de marches, profitez au maximum de ces moments où la tempête est un peu moins forte, où le vent souffle moins, où la pluie s'abat pardon, moins violemment, pour marcher le maximum possible. Alors des fois malheureusement ce n'est que quelques minutes, et heureusement des fois c'est quelques heures. Quoi qu'il en soit, nous allons faire, surtout pour si vous voulez discuter, etc. Sinon on passera le tour en ellipse, mais si vous voulez discuter, on fera surtout l'auberge que vous allez visiter le soir, celle sur laquelle vous avez passé, dans laquelle pardon, vous avez passé la nuit. Et donc, alors que vous vous installez et qu'un petit plat chaud vous est tout simplement servi, eh bien, je vous laisse, si vous le souhaitez, discuter un peu de l'affaire, de vous, de ce que vous voulez. Alors, moi, à un moment donné, je vais essayer de faire en sorte que si j'ai l'opportunité, je dis bien, l'opportunité, de pouvoir discuter discrètement avec Esther, pas les deux autres. Du coup, à un moment donné, pendant l'auberge, peut-être que Kornilov et Hugo se mettent un peu à discuter des choses et d'autres. Et du coup, j'en profite pour demander à Esther de me suivre un petit peu, sous prétextant d'aller chercher que sais-je. Voilà. Et du coup, Esther, j'aimerais te parler un petit peu de notre enquête. Et si je le fais avec toi, c'est parce que j'ai remarqué déjà, suite à une autre affaire, que toi aussi, tu ne suivais pas aveuglément les règles de notre cher ministère et de nos dirigeants. Au contraire de Hugo et Kornilov, qui sont aveugles de ce qui se passe dans Venise. Du coup, je tenais à te dire que par rapport à cette affaire, je pense que la Veridici, qui pour moi ressemble fortement à cet artiste qui essaye de dévoiler les vérités sur ce qui se passe, je pense qu'il dit vrai. Après, je pense que nos dirigeants, et notamment le ministère, nous cachent énormément de choses. Des choses plus ou moins mauvaises et que nous sommes juste le bras armé pour faire en sorte que les gens filent droit sans jamais se poser de questions ou ne digressent pas par rapport aux règles. Mais ça, tu comprends bien que je ne peux pas en parler à Hugo ni à Kornilov, car tout de suite je serais pris pour un fouteur de troubles, ou que sais-je. Oui, bien sûr, tu te mettrais gravement en danger. Je n'irai pas jusqu'à dire personnellement que je la crois, mais oui, on en a bien eu conscience, notamment lors de certaines affaires, notamment l'affaire Attilio, que le choix de fin avait divisé Kornilov et nous, donc, en deux groupes distincts, et nous avions pu voir quelles étaient les positions de chacun, si nous mettions notre sens de la justice avant ou après notre sens de la loyauté envers notre institution. Personnellement, je ne saurais pas trop quoi en dire. Je compte continuer d'aller dans le sens de notre institution, mais il est vrai que de temps en temps, si nous avons la possibilité d'arrondir quelques angles, eh bien, pourquoi pas ? Disons, si je te dis ça, en fait, c'est que je pense que par rapport à notre enquête, par rapport à Il Procedimento, si on veut réussir à vraiment se donner les meilleures chances d'y arriver, il faut aussi qu'on voit les choses sous un angle différent et qu'on se démarque de la doctrine et des règles que nous donne le ministère et la noblesse ou la bourgeoisie de Venise. Tu vois. J'en sais quelque chose, étant donné que ma famille en fait partie et que j'ai sciemment essayé de couper les ponts un maximum, car j'exècre cette mentalité. Je pense que oui, nous aurons besoin à un moment donné de prendre du recul pour peut-être un petit peu se mettre à la place de Il Procedimento et faire preuve d'empathie qui pourrait nous permettre de peut-être nous aider à aller dans son sens. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais t'en parler et que j'espère que ça restera entre nous. Bien sûr, tu peux me faire confiance. Je vois ce que tu veux dire. Peut-être qu'il est possible qu'à un moment, nous ayons à faire un choix entre notre loyauté infaillible et en effet, boucler l'affaire. Il y aura peut-être un prix à payer. Je pense, oui. Voilà, bah, écoute, bon, retourner voir les autres et... Oui, j'avoue, je ne saurais pas trop quoi dire de plus pour le moment, mais j'y réfléchirai. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler à nouveau. D'accord. Très bien. Je ramène donc Louis aux absents. Le meurtre a été effectué. J'allais faire la blague. Le truc avec Cornelius, c'est plutôt coriace. Il faudra s'en prendre. Ouais, j'allais le faire aussi. Mais on fait toujours cette blague, hein. C'est ça qui est drôle. Ou pas le gramophone et le disque. On va bientôt choper, il est temps de. Il est temps de laisser. Ouais, voilà. Ouais, j'ai dit à Madame Baletti qu'on arrivait dans une heure. Ok, très bien. Mis à part cette conversation privée, est-ce qu'il y avait d'autres choses qui vous laissent échanger dans le groupe, etc. Ou est-ce qu'on passe ça en ellipse ? Dites-moi tout. Alors j'aimerais pouvoir discuter à part avec Cornelius. Non, je rigole. Il fait tout le monde Alain. En fait, Victor, il bitch sur tout le monde, mais Anna, tu vois, genre, hey, mais tu trouves pas quand même qu'elle abuse Esther? Les anges de Venise. Je vais aller au confessionnal. Je ne pas la même avec. Je veux discuter avec Cornilov et Hugo. Ah oui. Vous êtes le maillon faible. Bref, au revoir. Pour reprendre un peu du coup le fil, est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose qui a changé ou est-ce qu'on passe la soirée tranquillement? Donc, pour le coup, de mon côté, ça va. Ok. Moi, j'aimerais juste partager avec mes compagnons le nouveau profil donc, que j'ai mis au point donc, sur Il Procedimento par rapport aux nouvelles informations qu'on a. Mm-hmm. Ce Il Procedimento qui serait donc quelqu'un d'autodidacte, on le rappelle, donc avec toutes ces écoles de musique et tout ça qu'il est censé avoir fait, tout ça, mais que enfin, c'est un génie, quoi. Il a lui-même fait ses disques, a priori, vu qu'ils étaient tout neufs, etc. Donc de multiples talents. Ce serait un artiste non reconnu, ou en tout cas pas connu sous son nom. Il a l'air d'apprécier l'anonymat. Il est frustré, mégalomane, un peu dans la même ligne, vu qu'on vient de voir qu'a priori, il a décidé de s'incarner comme étant la divinité de la fameuse pièce. Ce qui n'est pas rien. Il serait vénitien, donc un artiste vénitien, et il serait pas forcément très habitué à travailler le métal. On disait ça par rapport au masque. Peut-être que après, maintenant qu'on sait qu'il a peut-être récupéré le masque d'une pièce, ce n'est peut-être pas encore à prendre en compte, mais on le garde en tête. Et il aurait un message encore flou pour nous, mais qui serait, je dirais, anti-système ou en tout cas anti-corruption, étant donné qu'on avait déjà discuté, je vous rappelle, avec notre cher baronnet Klintz, par exemple, qui cachait des choses, qui en accord avec tel et tel ministère, qui cachait des choses, et on avait vu donc des liens possibles avec les autres victimes. Il semblerait donc qu'il ait envie de comme dans notre pièce, d'en découdre avec le système. Et il aurait des liens avec la Veredici. Et pour finir, une piste qu'on n'a pas encore énormément approfondie, parce que c'est peut-être juste qu'il a ramassé un manteau, mais il aurait peut-être des liens avec le ministère de la Défense, vu que je rappelle la tenue que notre échassier utilise, et celle d'un échassier. Voilà. Effectivement. C'est mon profil. C'est très intéressant, merci. Tout précis. Mais tout ça. Ce qui m'en vient à amener le fait que, vu que notre supérieur nous a donné l'accord tacite de le faire, ça pourrait être intéressant de mettre Klimt au-dessus d'un lac des crimes pour qu'il nous en dise plus. Alors, dans l'idée, pourquoi pas, après, en sachant que c'est le ministère lui-même qui lui explique que dans son intérêt, il vaut mieux pas qu'il cause. Est-ce qu'on va pas aller à l'encontre même de notre chef ? Bah, le chef nous a donné la permission. Oui, c'est sûr, mais... Et puis, de toute façon, moi, je pense que c'est un usurpateur. Ça se voit clairement qu'il vient du tiers-état, que c'est une personne de basse extraction. Je vois pas quelle place, quel mérite. Là, vous vous rendez compte ? Il ne savait même pas ce que c'était qu'une photographie avant qu'on lui propose ce poste. Alors moi, je pense que clairement que si jamais il venait à disparaître d'une façon ou d'une autre, de toute façon, personne ne le remarque. Personnellement, je pense qu'il faut faire attention avec, avec Clint. Peut-être... En même temps, quand on sait qu'il procédimento a tenté de le faire disparaître, c'est que si nous faisions ça, nous ferions déjà le travail d'il procedimento. Ne parlez pas de faire attention. Vous vous apprêtiez à révéler qu'il y avait un complot qui se tramait à Venise. La première venue, il y a à peine quelques... Ouais, écoutez, ce n'est pas cela. C'est juste l'engouement de l'information qui m'a fait un peu perdre la réalité de la situation. Mais certes. Mais là, je pense que vous allez un peu vite dans vos envies de meurtre, puisque je vous signale que si il procedimento avait pour envie de tuer Klimt, ce n'est pas à nous de le faire. Peut-être, mais on peut le savoir pourquoi, définitivement, ce qui va nous donner définitivement de cette enquête. Écoute, je ne suis pas pour maintenant les autres... Je suis sûr que Esther serait capable de concevoir un petit système de poulie, de chaîne peut-être pour l'attacher au-dessus, permettrait un rendement. Est-ce vraiment la priorité actuellement ? Je ne pense pas. Personnellement, je ne suis pas particulièrement pour, mais c'est vrai que joindre des compétences qui pourraient nous servir sur le long terme n'est pas non plus totalement dénué de sens. Malgré tout, si jamais vous êtes globalement contre, si la voix de Kornilov suit celle de votre Victor, alors je ne m'y plierai, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas spécialement pour non plus faire acte de violence. Eh bien, vu qu'on appelle à ce que je prenne position, de toute évidence, une telle action serait évidemment à l'encontre de pas mal d'éthique, et je suis un homme d'éthique, et Et donc, cependant, je trouve en effet que cela pourrait être d'une certaine utilité, non pas se débarrasser de Clint, hein, mais de, peut-être en tout cas de l'effrayer pour qu'il nous raconte tout exactement, en sachant qu'on avait quand même appris certaines choses. Il faut juste que je retrouve mes notes, mais on n'avait pas seulement appris que j'ai juste des choses, on a appris plus que ça. Oui, mais il s'agirait de le remettre à la gêne. Mm-hmm. C'est sûr, mais je pense pas que ce soit la priorité à l'heure actuelle. Peut-être plus tard, si vraiment on est dans une impasse, mais là, aujourd'hui, nous avons des pistes intéressantes à essayer de creuser. C'est pas Clint, ce sera pour plus tard. Très bien. Très très bien. Eh bien, vous avez passé la soirée dans cette auberge après avoir bien mangé. On vous fera tout simplement bien dormir. Une nuit plutôt compliquée, comme très souvent. Comme dit, hein, pendant Sanguine, on a tendance à dormir les porte ouverte pour laisser passer un maximum d'air parce que nous étouffons réellement. Sauf que vu l'état de la tempête, l'auberge ne peut pas se le permettre. Par conséquent, c'est une chaleur extrême, malheureusement, qui vous accompagne, étouffante même. Mais ce sont les conditions et vous savez que d'ici encore une lune à tenir, ça devrait redevenir plus vivable. Quoi qu'il en soit, je vais en profiter du coup pour demander le fort intérieur de l'un d'entre vous. Ok, bah je vais demander du coup à Hugo de me donner son fort intérieur, ses émotions, qu'est-ce qu'il se pense, où est-ce qu'il en est aujourd'hui, sur plusieurs, sur tout ce qu'il veut en fait, c'est lui qui décide. Dis-moi tout, Hugo. Il est dans le flux. Voilà, exactement. Bon, déjà, bon... c'est un peu à contre-cœur que Hugo a accepté donc, de venir dans cette taverne, ce tripot, malencontreusement, des tempêtes des crimes. Préférer la compagnie de ces gens de basse extraction à cette pluie acide qui aurait ruiné ces magnifiques habits. Néanmoins, en ce qui concerne vraiment l'état d'Hugo, son état moral, on va dire, eh bien, il y a un peu une urgence, on va dire, dans ces moments qui fait que il n'y a pas de place pour la tristesse, la joie. Il faut être efficace, il faut être impliqué, il faut être dans l'enquête. Et à vrai dire, Hugo apprécierait presque ces moments de tension. Ces moments de vive tension, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et ils sont tous un peu à son aise dans ce contexte d'enquête, d'inspection. Et la visite de Camillo il a plutôt redonné un espèce de coup un coup d'adrénaline, quoi, une espèce de petite piqûre qui le remet encore plus en scène et le pousse même à mettre un peu ses projets artistiques de côté, notamment son projet de pièce, les marches du sultan d'Istanbul. Il avait un peu lancé il y a fort longtemps et qu'il a beaucoup délaissé ces temps-ci. Voilà, tout ça pour dire que Hugo, il est occupé, sérieux. Et il essaye en tout cas de ne pas faire paraître le sentiment, que ce soit la joie, la peur, l'angoisse que peuvent générer tout ce contexte de meurtre, d'assassinat. Voilà. Ok, bah merci beaucoup. C'était très intéressant. Et donc, voilà la nuit que vous allez passer. Au matin, vous vous levez dès l'aube. Le vent fait toujours orage, mais la pluie, elle, s'est calmée. Vous allez pouvoir passer le plus rapidement possible, du coup, le reste du trajet. Sachant qu'il y a de fortes chances que d'ici l'après-midi, malheureusement, l'orage reprenne. Vous savez que les orages les plus électriques de Sanguine ont tendance à s'étaler sur 3, voire 4 jours. Hein. Mais c'est pas non-stop non plus. Donc, vous passez toute la matinée du coup à traverser le reste de distance que vous avez besoin. Ce, avec une seule pause, donc plutôt une matinée plutôt sportive, mais qui a au moins l'avantage de vous faire enfin arriver face à la demeure de Monsieur de Cuivre. Un nom de famille d'ailleurs qui s'écrit attaché. Et la demeure, comment l'expliquer, on est face à ce genre de bâtisse qui sort toujours un peu du lot, parce que vous savez que Ikrim, c'est énormément de bâtiments construits les uns sur les autres. On est plutôt dans ce genre de choses, hein, encore une fois. Mais il existe des gens qui ont les moyens et qui ont surtout réussi à convaincre que leur emplacement ne devait pas être surplombé par d'autres emplacements. C'est le cas par exemple de la demeure d'Alatilio. C'est le cas aussi de cette maison-là, la maison de Cuve, qui est une maison un peu plus extraordinaire pour vous et un peu plus, disons, pour casser un peu le quatrième mur, mais pour vous, joueurs, qui serait un peu plus ordinaire de ce que nous on connaît. Donc c'est une maison vraiment avec un seul étage plein pied et qui est vraiment isolée. On voit le toit et sur le toit il n'y a pas de construction. Alors il y a une serre, une petite serre qui sert à cultiver, mais il n'y a pas d'autres constructions pour faire loger des gens dans le besoin. Bref, vous vous présentez face à l'énorme porte qui est très imposante puisqu'elle fait facilement deux fois votre taille, une porte beaucoup plus grande que ce qu'elle n'a réellement besoin. Deux énormes portes métalliques donc, sur lesquelles se trouvent deux gigantesques aussi artoirs. Qui toque à la porte et prend donc les devants. Très bien. Victor, tu te saisis de l'énorme artoir qui est tellement lourd que tu es obligé de le prendre à deux mains. Et tu le fais tout simplement rentrer en contact avec la porte. Et les bruits résonnent. Vous attendez un peu qu'on vienne vous ouvrir et c'est ce qui se passe. Au bout de quelques instants, les deux énormes portes s'ouvrent, tirées très lentement et difficilement parce qu'il s'en met un vieil homme. Une fois... Une fois les portes ouvertes, le vieil homme se redresse comme pour reprendre une posture plus adéquate et enfin vous échange un regard et salutations. Que nouveau votre visite? Bonjour. Par tout hasard, oui. Êtes-vous en tenue de métropolite ou non? Oui. Ok. Et bien reprend. Enfin, pour ma part. Ouais. À tout hasard, seriez-vous Baudard Albert? Ça dépend qui le demande. Bah, la personne qui est devant vous. Elle est métropolite. Oui, disons que. Oui, disons que c'est moi, oui. Eh bien, ça tombe bien, puisque c'est vous le sujet de notre visite. Vous voulez peut-être entrer Avec plaisir. Ce sera avec plaisir. Vous voyez qu'il vous fait rentrer et referme les deux énormes portes très difficilement, toujours, qu'elles ont l'air très très lourdes. Et vous accompagne, en fait, pas très loin dans la maison, puisque il y a en fait, quand vous entrez, c'est un couloir hein, qui vous fait face, et il y a une petite salle sur la gauche, et lui vous fait rentrer en fait, directement sur une salle qui se trouve sur la droite. Et dans cette salle se trouve juste de quoi s'installer rapidement. Encore une fois, vous remarquez la spécificité de ce genre de maison, qui est d'avoir des murs en briques. Alors, c'est pas le cas de tous les murs ici, d'ailleurs, vous remarquez. Par exemple, la salle où vous rentrez est une salle plus classique, avec un drap. Mais la salle qui se trouvait sur la gauche, par exemple, a un véritable mur. Voilà. La maison a l'air d'être pas entièrement faite de murs, mais a pu s'offrir le luxe d'avoir quelques salles vraiment réservées. D'accord. Il vous installe. Et vous demande simplement, voulez-vous quelque chose pour vous substanter ou voulez-vous passer directement à la conversation? Oui. Marcher, ça nous réconfortera un peu. Oui, oui, on va leur quinquer un peu. Vous voyez que il s'éloigne et semble vous laisser seul. Pendant quelques minutes, vous l'entendez au loin se saisir de verre, ouvrir un placard, mais ça prend un peu de temps et surtout, plutôt loin, une mitraillette, tout à fait. il revient 2-3 minutes après vous avoir laissé seul, avec un plateau et dessus 4 verres remplis d'absinthe. Merci beaucoup. Ma foi, c'est tout à fait normal. Je suis surpris de votre visite. Il faut dire que peu de gens osent rentrer ici, mais dites-moi tout. Que me votre visite. Eh bien, nous sommes venus car nous sommes en train de travailler sur une affaire qui concerne votre ancienne maîtresse, Madame Elena Valetti. Tu vois que quand tu prononces le nom, son visage directement change vraiment du tout au tout. C'est-à-dire que là où c'était un vieil homme, certes fatigué, mais malgré tout, ayant la bienséance, c'est... Tu te retrouves face à un visage qui n'est pas forcément triste, mais qui semble totalement se métamorphoser comme si il essayait de bloquer les émotions. Ok. Disons que cette affaire et sa mort... est parsemé de zones d'ombre assez importantes que nous aimerions éclaircir. Et selon toute vraisemblance, après avoir parlé avec sa famille, avec ses proches, vous seriez la clé un peu de tout cela, car vous êtes réellement la seule et la dernière personne à avoir passé... du temps avec elle lors de sa maladie et ses derniers jours. Est-ce vrai? Oui. J'ai dû les derniers jours prendre le collier de la misère et m'occuper de Madame Valetti jusqu'à son dernier souffle. Je regarde un peu mes camarades et j'hésite pas à faire en sorte que voilà, si quelqu'un veut commencer à discuter, qu'il le fasse, il n'y a pas de problème. Eh bien, il nous faudrait, dans l'ordre suivant, le nom du médecin, autopsiste, ce que vous voulez, qui s'est occupé de la dame, il me semble que c'est vous qui avez été en contact avec cette personne-là. Il nous faudrait l'évolution de la santé de Madame Valetti. Est-ce que la maladie était soudaine? Combien de temps elle a duré avant sa mort? Et troisièmement, tout ça assez rapidement et sérieusement. Soit, je ne comprends pas forcément ce que vous la raison de votre enquête toutes ces années plus tard, mais s'il le faut, je resterai fidèle à Madame Baletti et je vous fournirai tout ce qu'il vous faut. Je ne sais guère par quoi commencer. Je vais vous un de ces points par lequel vous voulez que j'éclaircisse d'abord votre savoir. L'état de santé, sa progression. Eh bien, il s'agit d'une véritable dégringolade. Madame s'est retrouvée dans les premiers jours avec une simple gêne à la respiration et au fur et à mesure des semaines, ça a été véritablement une quelque chose de compliqué à vivre. C'est-à-dire que c'était de plus en plus rapide, là où de passer de la simple gêne à une véritable difficulté respiratoire constante, il a fallu, il me semble, de souvenir une lune. Sur ces derniers jours, malheureusement, il suffisait de quelques jours pour voir apparaître de nouveaux symptômes. C'était incontrôlable sur les derniers moments de sa vie. Pourquoi n'a-t-elle pas voulu que sa famille la voie et qu'elle puisse partager aussi des derniers moments avec eux? Simplement, vous savez, Madame Baletti avait bonnes ressources financières, ce qui a pu avoir les meilleurs médecins qui ont pu suivre son cas, et ces médecins confirmaient l'idée que l'aphtisie était potentiellement contagieuse. Et Madame Baletti a fait serment de ne pas transmettre ce mal à quelconque membre de sa famille, d'autant que vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez déjà rencontré la famille Baletti, que d'autant plus à l'époque, il y avait de très jeunes personnes et que Madame Baletti avait énormément peur que ça puisse tout simplement les contaminer d'être un fléau pour sa propre famille. A-t-elle fait le souhait également que il en soit de même après sa mort ? Je n'en ai pas souvenir, non. Après sa mort, il n'a pas eu de souhait particulier, si ce n'est d'avoir l'honneur d'avoir le corps. J'ai oublié le terme, excusez-moi. Incinéré ? Incinéré, merci. Contrairement à la plupart des malades qui sont jetés directement à l'écrime. C'est le seul souhait qu'elle a fait, mais il n'y avait pas de souhait particulier. Est-ce que je peux... Moi, de mon côté, essayer de voir si il est sincère dans ce qu'il dit ou pas. Ou si il récite quelque chose. Alors, une leçon bien apprise. Tu peux faire un test de traumatologie. Allez, c'est le moment de faire un bon jet. S'il te plaît. N'oubliez pas vos possibilités de dépenser soit l'XP, soit des points. Alors, sachant que c'est avant le jet, les points de compétences pour brûler le jet, entre guillemets, pour faire un dépassement. Et le point d'XP, vous pouvez le faire après, il me semble. Un point d'XP, oui. C'est un bonus de 2. Voilà. Je rappelle ces règles-là, parce qu'on les utilise assez peu, mais elles existent. J'ai 2 déjà. Alors C'est traumatologie. Mais en tout cas, j'ai fait 9. Ça pourrait m'intéresser, par contre, de voir en effet comment est-ce qu'il se comporte. Alors, pas sorcillement, mais est-ce qu'il a l'air d'être, à quel point est-ce qu'il a l'air d'être à l'aise ou pas. Je l'ai déjà un petit peu abordé, mais c'est possible de rentrer plus dans le détail. Tout à fait. Alors, pour Victor, du coup, ce que tu remarques, c'est que tu as 2 hypothèses. Tu ne peux pas écarter l'une des deux. C'est-à-dire que tu ne peux pas être sûr à 100% qu'il est honnête. Tu ne peux pas être sûr à 100% qu'il récite. Par contre, il a l'air très honnête dans ses émotions. Mais encore une fois, c'est pas à 100%. Tu n'es pas en mode c'est sûr, il est honnête, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que dans tes hypothèses, tu n'arrives pas à supprimer l'une des deux. C'est peut-être juste quelqu'un qui sait extrêmement bien réciter un texte. C'est une possibilité. Puisque bon, tu sais qu'en plus, les titres sont nés dans des milieux artistiques. Peut-être que le majordome peut avoir certains talents de dramaturgie, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit. Soit c'est un excellent acteur, soit il est impacté, mais il n'est pas non plus vibrant d'émotion. Ok. Quant à du coup Esther, pour détailler un peu plus, comme ça vient répéter un peu ce que je viens de dire à Victor. Dans son comportement, tu vois que il a vraiment changé de comportement, comme j'ai dit, au moment où le nom d'Aina Baliti a été prononcé. Mais surtout, ce qui est marquant, c'est que il a l'air d'avoir des émotions sur son visage qui sont réelles, c'est-à-dire que il a l'air vraiment impacté. Tu vois, il en parle pas comme s'il parlait de la pluie, du beau temps. Mais tu le sens pas tout à fait à l'aise non plus. Tu sais pas si c'est parce que c'est évoqué ce sujet qui est peut-être douloureux, tu sais pas si c'est parce que vous êtes des métropolites et ça lui met une certaine pression, ou c'est parce qu'il cache quelque chose, enfin tu sais pas, mais il est pas totalement à l'aise. Il est pas non plus très mal à l'aise, tu vois, genre à se gratter tous les 2 secondes et à très mal cacher la chose, mais tu le sens pas non plus. C'est surtout ça, c'est tu le sens pas totalement naturel. Voilà. Ok, d'accord, je vois, merci. Je note ça dans un coin de ma tête et je le partage aux autres dès que j'en aurai l'occasion. Bien, je vous laisse continuer votre interrogatoire. Enfin, votre mise à la chaîne. Du coup, je regarde et je fais... Du coup, vous vous souvenez du nom du médecin qui s'est occupé d'elle ? Ma foi, j'aimerais beaucoup le connaître, mais je suis peiné de vous révéler que... je n'ai jamais été directement en contact avec son médecin, si vous parlez de celui après sa mort. Celui-là qui s'est occupé jusqu'à ces derniers jours, ma foi, oui. C'était un homme de confiance qui était médecin pour la famille. Mais je pense que votre question s'attardait surtout sur le deuxième médecin, puisque c'est là-dessus qu'il y a eu le plus pour ma part, de questions. C'est le médecin qui s'est occupé d'elle hein, pendant sa maladie, hein. pas le deuxième. Bah. Ma foi, tant mieux, parce que pour le coup, ce médecin-là est ma foi, tout à fait facilement trouvable, si ce n'est peut-être son vieil âge. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis, j'ose espérer qu'il ne lui est rien arrivé. Mais il s'agit donc de Monsieur Confortini, de son prénom. Hermété, oui, ça doit se dire comme ça. Il s'agissait du médecin de la famille Baletti jusqu'à ce malheureux événement. Il a pris sa retraite avant que moi je prenne la mienne. La famille ne nous a pas du tout parlé de lui, c'est surprenant. C'était quand même... Pour être honnête, vu qu'ils ont eu du mal à accepter le fait d'être mis en écart, à l'époque, ils étaient, ma foi, aucun reproche, je peux comprendre tout à fait, plus intéressés par le fait de voir Baletti que de savoir qui la voyait. Ok. Vous savez où elle aurait pu contracter cette maladie ? Parce que, comme bien on dit, habituellement, ce sont des maladies qui touchent plus souvent le bas peuple, et une personne de son rang a très peu de chance de contracter une phthisie. Tout à fait, mais comme je le disais, une des théories, c'est que finalement cette maladie pourrait être contagieuse et que peut-être malheureusement Madame Baletti, à un moment de sa vie, peut-être lors d'un voyage sur une traverse, l'aurait contracté sans vraiment le savoir. Bien entendu, je ne pense pas que ce soit dû à sa condition de vie, si en effet c'est une la phthisie touche principalement une population plutôt pauvre, mais Madame Baletti n'était pas en contact que de personnes de son rang et de son métier, de son importance. Elle se devait d'être au contact du peuple, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles elle était si aimée, et à juste titre, elle était vraiment au contact de tout le peuple, y compris du peuple vivant sur les traverses de la cité qu'elle n'habitait finalement même pas. D'ailleurs, avec tout ça, est-ce que vous avez peut-être vu, de par votre proximité, peut-être des inimitiés avec des personnes de son niveau, peut-être des gens qui n'appréciaient pas justement sa proximité avec le peuple? Oh, malheureusement, Madame Baletti avait énormément d'ennemis politiques. Ce serait même long de parler de chacun d'entre eux, mais une histoire me revient. C'était il y a de ça un moment, mais... il y avait une rivale de Madame Baletti. Cette rivale et Madame Baletti ont vécu ensemble. Il s'agit de Dame Selena. Je crois qu'elle est d'ailleurs actuellement doge de la note. Si la nouvelle élection n'a pas encore eu lieu, je suis désolé, je me tiens plus au courant des affaires de la ville, mais je me souviens énormément, parce que vous savez, je m'occupe de Madame Baletti depuis maintenant bien longtemps, et même déjà enfant, elle passait son temps à se plaindre de cette dame Selena, qui était peut-être très jalouse de Madame Baletti, et qui... Beaucoup d'occasions politiques s'est révélé être un petit bâton dans les roues de Madame Baletti, mais vous connaissez la carrière de mon ancienne maîtresse, elle n'est pas du genre à se laisser faire. Effectivement. J'essaie de voir des choses qui pourraient être intéressantes à demander, parce que On sent bien que vous la connaissiez plutôt bien, étant donné que vous étiez à son contact tous les jours. On peut dire oui. Comment pourriez-vous résumer, alors je sais que ce n'est pas toujours simple, mais en quelques mots, en quelques phrases, Elena Valli. Une personne, une très grande personne. En quelques mots, je pense que c'est sûrement une des personnes les plus respectables qui m'a été donnée de connaître de ma vie. Elle était extrêmement talentueuse, ouverte d'esprit. Elle avait ce talent d'être multitâche, si j'ai envie de dire, multitalent. Tout ce qu'elle touchait devenait de l'or, et ce n'est pas pour rien si c'est la première personne, et je pense la dernière de l'histoire de Venise, qui a réussi à succéder à deux doges. Oui, c'était une personne formidable et une personne, un génie qui manque au monde. Avait-elle un domaine de prédilection, quelque chose un peu secret que vous le sauriez, mais pas forcément le reste de sa famille? Je ne saurais dire ce que ne connaissait pas sa famille de Madame Valetti, mais n'est pas sans savoir que elle était douée dans ce qui touchait à la fois de l'écriture, de la glyphe, mais aussi de la musique. Mais contrairement à ce que certains prétendent, Madame se défendait sur le plan du masque. Si elle n'était pas particulièrement grande dramaturge, elle était très friande de théâtre et particulièrement de ce qui touche au décor, au costume, à ce genre de choses, à tout ce qui touche, vous savez, vraiment de la part artistique de quelqu'un qui s'intéresse, moi, pour l'histoire, j'ai envie de dire que par comment on lui raconte. Ce n'était pas une très grande dramaturge, encore une fois. Hein, pour le coup, je confirme les dires de beaucoup, elle n'aurait jamais pu être doge du masque, mais elle se défendait tout de même sur ce terrain. À vrai dire, les arts l'intéressaient énormément, et c'est une femme extrêmement capable qui passe, dès qu'elle s'ennuyait, elle passait son temps à apprendre quelque chose de nouveau. De quoi, à ses heures perdues, elle aurait très bien pu confectionner un masque ou une tenue ou quelque chose qui aurait pu... Je n'ai pas souvenir de l'avoir coudre. Cependant... Non, je ne pense pas qu'elle puisse confectionner une tenue ou même un masque. Ouais. D'autant plus que ce qui touche un peu à la métallurgie n'était pas vraiment dans ses centres d'intérêt. Elle recherchait surtout l'art. Je comprends. Ouais. Vous a-t-elle déjà mentionné une pièce qui s'appelle Les Lumières et les Ombres? Non, Les Rayons et les Ombres, pardon. Je vois... Alors, il faut dire que personnellement, je la connais. Quand j'étais enfant, elle se jouait encore, si et là, à quelques rares occasions, notamment lors de fêtes nationales à Venise. Mmh. Mais il faut dire que je crois que la dernière fois que j'ai vu cette pièce, je devais bien avoir 10 ans. Je pense que depuis le temps, elle ne se présente plus tellement en ville. Et est-ce que Madame Balletti m'en aurait parlé? J'en n'est guère souvenir, n'est pas impossible, comme dit, elle s'intéressait énormément au théâtre et aux arts, donc peut-être qu'elle a eu vent, qu'elle m'en ait déjà parlé, mais cela ne m'est pas particulièrement resté à l'esprit, si c'est le cas. Ok, je vais... Okay. Bien, je pense qu'il faut que je me fasse à l'idée, mais je viens d'atteindre mes 82 ans. Sacrée longévité. Oui. Oui. Je suis le premier surpris, mais il semblerait que vivre avec Madame Baletti m'ait donné le don de pouvoir tenir. Aujourd'hui, ça devient compliqué. Au moindre mouvement, j'ai le dos qui est prêt à me lâcher, mais même s'il me reste que quelques années à vivre, je pense c'est sans regret, sachant que beaucoup plus partent bien avant moi. Donc cette représentation de cette pièce est arrivée au moins il y a 70 ans, la dernière fois. Je vous prie, je ne suis pas si... oui, réellement, c'est... Enfin, elle a peut-être été refaite, mais moi, je n'ai pas eu vent, en tout cas, depuis mes 10 ans, oui. Mmh. Je regarde les autres, j'essaie de poser plein de questions. Moi aussi, je regarde les autres parce que j'ai des questions, mais vous avez peut-être besoin qu'ils soient dans l'état actuel avant le produit. Personnellement, j'en ai pas. J'ai suivi avec attention et à peu près tous les sujets. Enfin, il n'y a pas de zone d'ombre, en tout cas, qui me vient là tout de suite. Donc, je pense que je vais un peu esquiver le regard de Kornilov pour lui faire comprendre que s'il veut y aller, il peut y aller. En me tournant d'abord, du coup, vers Hugo pour voir sa réaction. De même, moins d'autres. Ok. Moi, j'aurais une question, monsieur Baudard. Bien sûr. La question qui est pourquoi avoir fait passer madame Belletti pour morte? Je vous prie, je ne comprends pas. Malheureusement, Madame Baletti... Vous ne comprenez pas, non, attendez. Vous ne comprenez pas, je vais vous aider à comprendre. Vous me dites que vous êtes le majordome de Madame Baletti. Et vous me dites ensuite que vous n'auriez pas connu plus que ça le légiste qui s'est occupé de son corps. Pourtant, sa famille n'a jamais pu s'occuper de ce corps, de source sûre. Vous allez me dire que vous avez juste abandonné son corps chez n'importe qui et que vous l'avez laissé être brûlé n'importe où. Ensuite, peut-être petite erreur de votre part, mais ça fait au moins 4 ou 5 fois dans cette discussion que vous parlez de Madame Baletti au présent. Écoutez, Avez-vous déjà... Je m'en excuse, mais... Pardon, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Avez-vous déjà vu les crimes? Bien entendu, j'ai... De très... longtemps voyagé, mais... Véritablement... Prêt. Prêt. Laissez-moi expliquer... ce dont vous parlez aujourd'hui, l'un de... de mes plus grands regrets, et j'aimerais que ce loi soit clairement dit. En effet, je pensais Madame Baletti entre de bonnes mains, le médecin légiste étant un contact directement du médecin qui s'occupait de Madame Baletti, Monsieur Confortini. Lors de sa mort, je me suis chargé personnellement de l'annoncer à sa famille, et je me suis donc absenté du corps de Madame Baletti. Alors, si je reconnais mes erreurs et ma négligence, je ne laisserai pas non plus m'insulter. Je ne l'ai pas laissé, c'est n'importe qui. Madame Baletti était chez elle. Il n'y avait aucune raison que je me doute que quelque chose pourrait tourner aussi étrangement, mais lorsque j'ai été annoncé à la famille le décès de Madame Baletti, bien quand je suis revenu, et je dois admettre être resté peut-être plus longtemps que nécessaire, mais encore une fois, c'est, je ne sais pas, j'aurais dû savoir que vu l'importance de Madame Baletti, je n'aurais pas dû, mais quand je suis revenu, le corps n'était déjà plus là. Je le pensais tout simplement pris par le médecin légiste et j'ai appris qu'il avait commencé la crémation, si mes souvenirs sont bons dans le terme, l'incinération. L'incinération avant même de donner l'accord. Peut-être, je ne sais pas, si je n'ai jamais réussi à retrouver ce médecin et croyez-moi que j'en suis très peiné. Et la partie sur les aveux ? Qu'entendez-vous par la partie sur les aveux ? Écoutez, monsieur, comme l'a bien fait remarquer mon collègue, nous avons légalement le droit de vous faire avouer. Je comprends bien. Il y a des métropolites, des représentants de l'État. Tout à fait. Alors, vous ne savez pas. Tout à fait, vous ne savez pas. Nous avons... Entendez bien que je collabore à mon maximum, mais je ne peux pas mentir. Avez-vous compris ? J'ai ma foi tout à fait compris, mais je vous dis tout ce que je sais et tout ce que j'ai déjà annoncé. Les archives devraient confirmer mes dires. Sachez que ce qui se passe, et ça je vais vous faire une petite confidence que je ne devrais pas, mais ce qui se passe aujourd'hui, enfin, ce qui s'est passé avec Madame Baletti s'est reproduit il y a peu avec une autre personne qui a contracté une phtisie et qui n'a jamais eu de phtisie et qui a elle-même disparu, ne connaissant ni le médecin ni le légiste, et on a jeté son corps à les crimes. Donc sachez que nous avons fort à penser que ce qui s'est passé avec cette personne là récemment s'est déjà passé avec Madame Baletti, et que celle-ci n'est pas morte, et que elle, pour des raisons que l'on ignore encore, a eu besoin de l'anonymat. Et nous pensons que vous en savez quelque chose, mais que votre loyauté ou votre amour, que sais-je, pour Elena Baletti vous pousse à ne rien révéler. C'est tout à votre honneur, mais sachez que on nous a demandé, quelqu'un nous a demandé, nous ne savons pas encore qui, de rentrer en contact avec Madame Baletti. C'est peut-être même elle-même qui nous a demandé de le faire. Donc, vous, à nous mentir, vous iriez peut-être contre sa propre volonté. Je n'y comprends rien. Chose que je peux vous assurer, c'est que Madame avait malheureusement bel et bien une... Je ne sais pas de quoi en découle ce dont vous parlez, mais je ne sais même pas quoi vous dire. Je n'étais pas au courant. J'essaie de voir Korninov et voir si je me rapproche de lui. Et de s'il y a Esther ou Hugo à côté, hein, et discrètement essayer de dire est-ce qu'on lui parle de i procedimento. Pas hyper chaud. Ouais, moi, déjà, pour tout dire, c'est qu'honnêtement, Kornilov est en train de fulminer, il le regardera dans les yeux. Il est en train de mâcher sa pipe, hein, Kornilov. c'est ça, la vivre est éclatée. Donc, quand tu dis ça, tu vois que bon, Kornilov se fige un peu, il se met un peu pensif et il se dit quand même. On peut. Ok. Sur ce, je me lève et je vais le majordome. Bon, monsieur, on va jouer carte sur table avec vous. Tout est à faire. Elle est là pour deux choses. Au moment où tu commences à t'adresser, au moment, ça sonne pas vraiment comme exactement au même moment, mais tu as commencé à parler en fait au même moment. Trois énormes coups très bruyants retentissent sur la porte qui se trouvait du coup dans la salle en face de la vôtre. Dès que ces coups retentissent, vous voyez le majordome se raidir, se lever et tout simplement. Un peu stressé, vous parlez. Excusez-moi, il semblerait que monsieur se soit réveillé. Si vous m'autorisez à lui rendre visite, je dois m'occuper de sa personne. J'ai quand même bien envie de lui emboîter le pain. Hein. Nous allons évidemment lui rendre visite. même ouvrir la porte. Monsieur. Monsieur n'accepte pas la visite. Vous connaissez peut-être monsieur, d'ailleurs pendant qu'il en reparlait, trois coups énormes retentissent à nouveau. Il est atteint de maladies physiques plutôt graves et il a fait le choix de s'isoler. Bien, soit. Mais nous sommes métropolites, je pense que nos... Le fait que nous ayons envie de parler à votre maître ne doit pas poser de problème. Les envies de monsieur ne font pas la loi ici. Je vous prierai de croire que si, ce n'est pas la première fois que nous sommes en affaire avec le ministère et ce point a toujours été respecté. Trois coups retentissent à nouveau. Dépêchons-nous, il a l'air impatient. Ben je vous prierai de rester ici. Je n'en ai que pour quelques minutes et... Moi, je me lève et je vais ouvrir la porte, moi-même. Vu qu'il est déjà debout, tu vois qu'il se met entre toi et le passage. Vraiment, cela ne ferait pas plaisir à monsieur. Je vous prierai vraiment de respecter sa volonté... Je ne peux pas m'opposer physiquement à votre présence, mais nous avons toujours eu respect de son intimité et il le prendrait très mal que le ministère se permette. Il peut pas bloquer le passage à deux personnes en même temps. J'arrive au niveau de la porte. Ok. Tu ouvres la porte. Et tu fais face à une salle complètement obscure, très très peu éclairée. Il y a juste une bougie en fait qui se situe non loin du lit de Monsieur de Cuivre. Et tu remarques d'ailleurs comment Monsieur de Cuivre peut frapper aussi puissamment à la porte, puisqu'il s'agit en fait d'un énorme mécanisme qui relie son lit à la porte sur lequel il peut appuyer pour tout simplement faire rebondir. Je te décris parce que ça se voit immédiatement parce que c'est une énorme machinerie en fait qui se situe au niveau de... D'avoir un type debout avec le poil. C'est vrai, il est passé à l'enfant, monsieur. Et Ce que tu vois, c'est un peu compliqué, parce que la lueur n'est pas assez grande pour vraiment éclairer la personne. Mais en tout cas, c'est une forme humanoïde qui, pour le coup, te semble tout à fait anormale, puisqu'elle a l'air énormément déformée. C'est-à-dire que entre la hanche et les épaules, les niveaux ne sont pas forcément respectés. Et même si tu vois juste une silhouette et que tu ne vois pas les détails, effectivement, ça a l'air d'être un corps énormément abîmé. Je te laisse, Esther, réagir. Je vais m'approcher pour essayer d'y voir plus clair. Est-ce que j'ai une bougie ou quelque chose comme ça sur moi ? Alors, sur toi, non, mais j'ai un bracelet. Ouais. Je peux vous passer mon bracelet. Dans ce cas-là, je vais tenter en effet pour récupérer celui de Cornelov. Et je vais m'approcher en utilisant le briquet pour illuminer faiblement la pièce. Tu allumes le briquet et ça te permet d'y voir un peu plus clair. Quand tu allumes la flamme, une voix retentit, une voix extrêmement grave, presque d'outre-tombe. Elle dit tout simplement « Qui êtes-vous ?» Métropolite. Vous prie de partir. Est-ce que j'arrive à voir son visage ? C'est très faiblement éclairé et ce que tu peux voir, c'est un petit morceau, peut-être, de visage. Une peau très ridée et surtout une mâchoire extrêmement déformée. C'est-à-dire que celle-ci hein, est un angle facilement de 45 degrés et vraiment décalé sur la droite. On est d'accord, j'ai jamais vu ça avant, hein, malgré j'ai dû en voir des malades, mais... Ah oui, pour le coup, c'est assez spécial. Qui êtes-vous ? Vous... savez, je suis maître de cette maison et je vous prie de partir. Qu'est-ce que j'observe dans la pièce posée autour ? Bien, c'est une pièce très... très austère. En fait, non loin du lit se trouve une petite table de chevet sur laquelle est entreposée de la vaisselle sale. Hein. Et à part ça, bah, la pièce est plutôt vide. Hein, à croire que Monsieur de Cuivre quitte très rarement son lit. Et à vrai dire, même pas de babiole qui traîne. Il n'y a pas de fenêtre ni quoi. C'est vraiment le noir complet. Alors non, il y a pas de fenêtre. Alors c'est pas le noir complet, comme j'ai dit, il y a une petite bougie qui sert de lueur, mais effectivement, sinon par ça, il n'y a pas de fenêtre, non. Qu'est-ce qui vous est arrivé exactement ? Maladie. Chronique. Depuis petit, mon corps se déforme. Vous êtes bien curieux de ne pas connaître cette histoire. C'est bizarre de demander ça, mais enfin là, c'est hors RP. Est-ce qu'il a l'air sincère ? Je suis pas sûr de vraiment analyser. Exactement, c'est un peu compliqué vu que c'est une voix très spéciale et sur un ton qui a l'air plus épuisé de prononcer chaque mot qu'autre chose. Du coup, c'est vrai que la sincérité ne se juge pas comme dans une discussion normale, mais J'ai pas envie de répondre oui parce que c'est pas un oui formel, mais c'est pas non plus un non quoi. T'es pas en train de te dire cette personne est en train de clairement mentir. Il y a, c'est juste très spécial en fait à analyser. Ouais. Vous aviez besoin de quelque chose, non? On vous a entendu frapper. Oui. Ramenez mon majordome, s'il vous plaît. Je me retourne au niveau de la porte et je fais signe aux autres de le laisser venir. Okay. Le majordome qui traverse et va jusqu'à la chambre. Mais je reste dans le fond de la pièce au niveau de la porte. Tu vois qu'il s'agenouille à son niveau et... excusez-moi monsieur, je leur avais dit de ne pas venir, mais ils ont des suspicions à mon propos et malheureusement cela se retourne contre vous. Il n'obtient pas de réponse. Après un petit silence, cette voix d'outre-tombe retentit à nouveau et très formellement on va juste dire « Faim, porte-moi à manger. » Ce à quoi le majordome va se lever et après avoir échangé un regard avec vous, va se diriger vers les cuisines, puis se tourner vers vous. Si vous voulez bien laisser monsieur tranquille à présent, ce serait généreux de votre part. Et il va vers les cuisines. Je ferme rapidement la porte en me plaçant du coup à l'extérieur de la salle et je raconte aux autres assez rapidement ce qui s'y trouve, savoir ce qu'ils décident de faire le temps que l'autre fasse la cuisine. Je leur décris tous les détails hein, que j'ai pu voir assez rapidement. Ok. Et je rends son briquet à Kornilov. Ils vont croire que ce majordome aime les gens malades. J'étais certain que ça allait nous mener quelque part. Il y a toujours une théorie, et j'imagine qu'on y a tous pensé, mais elle est difficilement vérifiable. Vous pensez que ce sera monsieur des clés, il prend ici maintenant. Disons que nous n'avons pas encore pu évoquer il procedimento avec lui. Mais c'est vrai que c'est... J'avais imaginé avoir un peu plus d'informations avec le majordome et il faut croire que soit il joue bien la comédie, soit Elena Valetti a réellement attraper une phtisie et que pour lui elle est morte. Je dis bien pour lui. Ou alors... Mais c'est très peu probable et pas assez fondé pour pouvoir affirmer d'une quelconque manière, genre vraiment. Mais... Ah non, c'est... Mais il y a quand même un monde où la personne qui se trouve de l'autre côté de cette porte est la personne qu'on recherche. Elle est tellement méconnaissable que ça pourrait être absolument n'importe qui. Quoi ? Tu penses que c'est la personne de l'autre côté pour être il procedimento ? Non, pas il procedimento, mais... Ah, Elena Valetti ? Je dis juste que ça pourrait être intéressant de se renseigner plus en détail sur Monsieur de Cuivre au-delà des rumeurs que l'on a pu colporter à son sujet. C'est très improbable, mais ça peut valoir le coup. Tu as pu voir son visage ? J'ai pu voir que son visage pouvait être à peu près celui de n'importe qui. La chose qui l'a mis dans cet état, que ce soit une maladie, autre de les... quelque chose lié à les crimes ou quoi que ce soit, volonté de changer, quelque chose qui aurait mal tourné, une expérience, que sais-je. On parle de tellement de choses liées à la science. Alors bon, c'est peut-être bel et bien qu'une maladie, mais quoi qu'il en soit, impossible d'imaginer ce qu'aurait pu être sa forme, entre guillemets, normale. Tellement ce que j'ai, ce qui se trouve de l'autre côté est juste un amas de chair. Ouais. Mais vous en pensez quoi? J'en sais Hugo, rien. Caroline, tu sais pas? J'en sais rien. C'est que si on le met au-dessus de l'écrit, c'est qu'il parlera. Ou pas. S'il parle pas, on fait quoi? On le balance et puis on perd peut-être la seule personne qui pourrait nous donner des informations sur Elena Baletti. On peut d'abord lui chipper les pieds. C'est plus efficace que ça. Si tu lui mets les pieds, t'as tout le bas du corps qui part. Mais on peut le suspendre au-dessus sans jamais les descendre. Hein. Ce sera déjà assez effrayant. C'est sûr, mais j'ai plus l'impression que... Si vraiment... J'entends bien. Si vraiment... Il nous ment... Et qu'il feinte les choses... Je pense que sa loyauté... envers Elena Baletti et son âge bien avancé, je pense que il avouerait rien du tout. Il préférait mourir que plutôt avouer quoi que ce soit. La pièce derrière nous et qu'elle serait incapable de survivre sans son aide à lui. Si on part sur le principe que la personne est Elena, si elle est dépendante de lui, il se laissera jamais mourir. Si c'était Elena. Oui, que ce soit elle qui soit là ou autre part, si jamais elle est dépendante de lui d'une manière ou d'une autre, il se fait mourir. A priori. Il y a aussi toujours la possibilité de faire un coup de bluff. On laisse Kornilov rentrer dans la pièce, dans la pénombre, il se fait passer pour El Procedimento et... il l'a retrouvé. Après, on n'a pas joué notre carte, il procedimento. Pas encore. Et on n'a pas non plus mené l'enquête sur Monsieur Descœurs. Si je trouve, on va s'en venir, on va savoir qu'il existe depuis 50 ans, que tout le monde le connaît, et qu'il n'est pas mort. C'est vrai que son histoire de médecin, c'est quand même troublant, parce qu'on parle du médecin de famille, et personne ne l'a jamais évoqué, ce Hermete Confortini, quoi. Enfin, du moins dans mon souvenir. Parce que si Hermete Confortini nous confirme malheureusement qu'elle était bien atteinte de phtisie et qu'il l'a soignée jusqu'au bout, qu'est-ce qui se passe? Ça voudrait dire que le majordome n'a pas menti et qu'il l'a vu mourir, cette Elena Baletti. Mais alors... Pourquoi dans ce cas-là, on nous ferait parvenir un message comme quoi il faut retrouver, il faut la retrouver. Parce qu'on n'est clairement pas au courant de tout et que on veut nous mettre sur cette piste. Maintenant, oui. Il y a quelque chose à jouer encore, j'en suis sûr. C'est dommage que le médecin soit pas là. Bien, on vous confronte tous les deux. J'ai toujours essayé de mettre la main dessus. Hein. On a déjà fait un pas de plus dans sa direction, mais ça nous prendra plus de temps. Bah c'est ça, c'est que on pourra pas surveiller les deux, parce que si on dit qu'on va voir le médecin et qu'entre temps le majordome disparaît. Ouais. Là, si on est sûr du vrai et que c'est caché, il va disparaître dès qu'on aura passé la porte. C'est ça, c'est ça. Mais ça peut être une stratégie. On passe la porte, on se planque, ou au moins l'un ou l'une d'entre nous se planque, et on le suit à la trace si jamais il tente. Ah, c'est pas faux, c'est vrai que c'est pas bête. On pourrait nous mener là où on veut aller. En tout cas, là, on a mis un coup de pied dans la fourmilière. Reste à voir s'il va rester terré chez lui ou s'il va migrer autre part. Ça peut être effectivement une bonne stratégie pour le. Si éventuellement, mais là c'est même plus compliqué, essayer de planquer quelqu'un dans la salle juste derrière. 24 heures sous le lit d'une personne. Ok. Hugo, tu veux le Genre, je me serais bien porté volontaire, mais malheureusement, je pense pas que je le supporterais plus que ça. Je préfère rester à l'extérieur et attendre que le majordome s'en aille. Ça me paraît bien comme solution. Mais il y a peut-être aussi la possibilité de se placer au niveau du toit, j'en sais rien, de faire un petit trou et d'y mettre un appareil auditif comme le font les vieux, ou sous le plancher, qui sait. En tout cas, il y a quelque chose à faire avec tout ça, mais quoi ? Seule la conteuse le sait. Seule la conteuse le sait. C'est une phrase que dit Victor comme ça, comme si. Ouais, c'est une expression. Voilà, seule la conteuse le sait. Ah oui, il me semble avoir entendu quelqu'un le dire sur les traverses. Ouais, c'est comme il n'y a pas de concept de dieu, c'est la conteuse en fait. Seule la conteuse le sait. Non, d'une comtesse. En tout cas, j'en profite pour le temps qu'il n'est pas revenu, puisqu'il fait la bouffe, pour dire que ma petite question sur les capes, enfin sur la Elena Baletti sont quand même troublantes parce que multitâche, génie, doué, l'écriture, la musique, le théâtre. Alors que tu es en train de parler, vous entendez les bruits du pas du majordome se rapprocher et revenir vers vous. Il a dans sa main un plateau avec simplement un petit repas préparé. Il passe devant vous. Vous n'êtes toujours pas parti, on peut dire que vous êtes particulièrement tenace, mais vous avez au moins la libéralité de laisser monsieur tranquille, je vous en remercie. Et à ces mots, il ouvre la porte et vous voyez qui rentre dans la salle. Je vais vous demander clairement votre plan pour la suite. Et si vous avez surtout fini d'être à l'intérieur de cette maison pour l'instant. Donc, clairement, bah, on a encore beaucoup de choses. Je veux juste poser une question avant à Victor. Et je pense qu'après, ça va me décider sur ce que je pense que je pourrais faire après. Et donc, je vais me retourner vers Victor et je vais lui dire, c'est limite si je lui saisis pas le col, mais genre pas de manière agressive, mais genre dis-moi. C'est juste si je lui dis, quand tu lui as parlé des costumes, des talents de Baletti, etc., il en est venu à la métallurgie, à gérer le métal et tout ça. Est-ce que, je ne me souviens plus de ta question, est-ce que tu en as parlé toi-même ou est-ce que ça lui est venu ? Est-ce que ça lui a débordé ? La seule chose que je lui ai posée, c'est est-ce qu'il ne l'a pas déjà... Enfin, de là, était-elle assez douée de là à pouvoir faire à confectionner un masque ou enfin faire du masque, mais j'ai pas précisé en métal ou autre, quel que soit le matériau. J'ai juste parlé d'un masque. Ça marche pas. Le parler au présent de Baletti, le masque, et on en vient directement au métal. Il faut le presser comme une orange. Les crimes ?